vous savez si je vous aime, reprit Lisbeth. Je suis ici, c'est tout dire. J'y use les dernières forces de ma vie à veiller vos intérêts en veillant à ceux de notre chère Valérie. Sa maison lui coûte 10 fois moins cher qu'une autre maison qu'on voudrait tenir comme la sienne. Sans moi, mon cousin, au lieu de 2 000 francs par mois, vous seriez forcé d'en donner 3 ou 4 000. Je sais tout cela, répondit le baron impatienté. Vous nous protégez de bien des manières, ajouta-t-il en revenant auprès de Madame Marneffe et la prenant par le cou. N'est-ce pas, ma chère petite belle ? Ma parole, dit Valérie, je vous crois fou. Eh bien, vous ne doutez pas de mon attachement, reprit Lisbeth. Mais j'aime aussi ma cousine Adeline, et je l'ai trouvée en larmes. Elle ne vous a pas vue depuis 1 mois. Non, cela n'est pas permis. Vous laissez ma pauvre Adeline sans argent. Votre fille, Hortense, a failli mourir en apprenant que c'est grâce à votre frère que nous avons pu dîner. Il n'y avait pas de pain chez vous aujourd'hui. Adeline a pris la résolution héroïque de se suffire à elle-même. Elle m'a dit « Je ferai comme toi ». Ce mot m'a si fort serré le cœur après le dîner qu'en pensant à ce que ma cousine était en 1811 et ce qu'elle est en 1841, 30 ans après, j'ai eu ma digestion arrêtée. J'ai voulu vaincre le mal, mais arrivé ici, j'ai cru mourir. « Vous voyez, Valérie, dit le baron, jusqu'où me mène mon adoration pour vous, à commettre des crimes domestiques ?